bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Présent, l'émission consacrée au développement personnel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche presque tout le monde, un jour ou l'autre, la rupture amoureuse. C'est une épreuve souvent douloureuse, parfois déstabilisante, mais aussi une opportunité de croissance personnelle. Alors, comment traverser cette tempête? Comment transformer la douleur en apprentissage et avancer plus fort? C'est ce que nous allons explorer ensemble avec Dorothée Lacroix, sophrologue et instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Présent. Alors commençons cette émission, Dorothée, en chanson, car il existe effectivement, en effet, des chansons qui traversent les années et qui continuent à toucher donc le cœur donc de chacun, peu importe effectivement l'époque. Et parmi ces chansons, Dorothée, il y a celle-ci. Mon enfant nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défait, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, je t'aime et je t'aimerai. Alors, vous avez reconnu certainement Francis Cabrel. Voilà, avec cette chanson, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, qui illustre avec beaucoup de poésie le thème de l'amour perdu et de la persistance des sentiments malgré la séparation. Alors, la rupture amoureuse est donc le nouveau thème de cette émission avec Dorothée donc Lacroix. Nous allons donc vous donner des conseils pour gérer au mieux cette rupture. Alors, Dorothée, est-ce que c'est un thème fréquent des patients qui se présentent à toi? Ah oui, c'est très fréquent. La rupture amoureuse fait partie des motifs de consultation les plus courants. C'est vrai que c'est un peu normal, étant donné que la rupture amoureuse touche à l'attachement, à l'estime de soi, au sentiment de sécurité. Alors, beaucoup de personnes viennent me voir tout simplement parce qu'elles se sentent perdues, envahies par leurs émotions et aussi parce qu'elles ont l'impression de ne plus savoir comment avancer. Donc la sophrologie, la pleine conscience, offre justement des outils très concrets pour traverser cette période avec un peu plus de douceur et de clarté. Alors justement, on va avoir plusieurs étapes pour affronter cette rupture amoureuse. Alors tout d'abord, la première étape, c'est reconnaître et accueillir ses émotions. Une rupture entraîne un mélange de tristesse, de colère, parfois de culpabilité. Et trop souvent, on essaie de refouler ses émotions. Alors Dorothée, comment accueillir au mieux ses émotions? Et oui, ça c'est une question très importante et centrale. Parce que c'est vrai, les émotions, lorsqu'on traverse une rupture amoureuse, vont être un petit peu mélangées. C'est confus. On a l'impression de plus savoir mettre non plus des mots sur ce qu'on ressent. Et la première chose, c'est de s'autoriser à ressentir ce qui nous traverse et à le ressentir sans jugement. Et c'est ça le plus dur, parce qu'on est toujours un peu à se juger de ne pas forcément aller bien ou de ressentir des émotions. Bien souvent, on va refouler ces émotions parce qu'on est bien d'accord que ce n'est pas agréable d'aller embrasser de la tristesse ou de la colère. Alors pleurer, ressentir de la colère, de la tristesse, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un processus naturel et normal de réparation. Donc moi, ce que je conseille souvent aux personnes qui me consultent, c'est d'accueillir ses larmes, de s'autoriser à pleurer, d'écrire aussi ce que l'on ressent, pourquoi pas, dans un journal, pouvoir parler aussi à une personne de confiance, un ami, un proche. Ça permet de ne pas laisser les émotions s'accumuler à l'intérieur de soi, de ne pas s'enquister. Et en sophrologie, on apprend aussi à écouter le corps, parce qu'il exprime bien souvent ce que les mots n'arrivent pas encore à dire. Et ça, c'est central dans l'accompagnement, c'est qu'en passant par le corps, on peut laisser les émotions s'exprimer. Alors Dorothée, après cette première étape, on va passer donc à cette seconde étape qui va consister justement à rompre avec les illusions, car souvent on idéalise un petit peu la relation passée, on se concentre sur les bons souvenirs, alors c'est humain, mais cela peut entretenir la douleur. Alors Dorothée, comment revenir à une vision un peu plus réaliste ? Oui, c'est vrai ce que tu dis Jérôme, hein. On a tendance à idéaliser cette relation parce que quand on va mal, eh bien effectivement c'est un peu une sorte de consolation, on n'a plus trop de clarté d'esprit, on s'attache à ce qui fonctionnait et il est important de se rappeler que toute relation a ses zones de lumière mais aussi ses zones d'ombre. Ne pas idéaliser uniquement les bons souvenirs passés ensemble parce que ça en fait ça nourrit le manque finalement, c'est l'expression du manque. Alors un exercice simple et que je recommande souvent, ça consiste à écrire aussi ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'était pas aligné avec nos besoins profonds pour se le remémorer. Ça ne sert pas du tout à blâmer, mais plutôt à rétablir un équilibre émotionnel et à comprendre aussi pourquoi la relation s'est terminée. Et je crois qu'il est important aussi de limiter le contact avec l'ex-conjoint, hein, mettre la distance à travers les réseaux sociaux, les messages, les appels, pour éviter justement de rouvrir la blessure. Ah oui, tout à fait. C'est une étape qui est souvent difficile hein, dans l'acte à passer, mais qui est essentielle. C'est limiter le contact, notamment et principalement sur les réseaux sociaux. Ça va permettre à notre système émotionnel de se calmer. Chaque message, chaque photo, bien sûr, peut raviver la blessure, les souvenirs. Et mettre de la distance, ça ne veut pas dire non plus effacer l'autre, c'est juste se protéger et se donner un espace à soi qui est nécessaire pour guérir. Et donc après avoir mis cette distance hein, donc nécessaire, on va donc se recentrer effectivement sur soi, car après une rupture, on a souvent l'impression d'un grand vide et peut-être que Dorothée, c'est le moment parfait pour se réinvestir. Hein. Cela permet de trouver par exemple une passion mise de côté, reprendre le sport, voyager, lire, découvrir. Oui, absolument. Alors, une rupture laisse souvent un très grand vide, surtout quand on avait l'habitude de tout faire avec l'autre. Mais ce vide peut aussi devenir un espace de reconstruction. C'est un peu ce moment de se reconnecter à soi, de se dire, ben, tiens, qu'est-ce que moi j'avais envie de faire pour moi ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Qu'est-ce que ce dont j'ai besoin là aujourd'hui ? Ça peut être reprendre tout simplement une activité qu'on avait mis de côté, bouger son corps, découvrir de nouvelles choses à travers les arts créatifs, faire des visites de villes, de musées, à travers les voyages, lire ou créer des choses. Et chaque action en fait qui va être tournée vers soi, bah, c'est un message qu'on s'envoie hein, en se disant bah, « je compte moi aussi, voilà, j'ai mon espace, je compte ». Bien, Dorothée, alors on a vu donc les différentes étapes hein, pour affronter la rupture donc amoureuse. Alors après la première pause musicale, nous évoquerons justement des outils qui peuvent vous aider justement à gérer une rupture amoureuse. Mais dans l'instant présent, on a toujours eu l'habitude effectivement de, autour des pauses musicales de retrouver des chansons qui évoquent la rupture amoureuse, Dorothée. Mmh. Alors qu'est-ce que tu nous proposes ? C'est vrai que c'est assez central comme thème. Eh bien là, c'était la prestation de Slimane à Fleur de Toi. Voilà, c'est ça, Slimane qui exprime justement le vide immense hein, laissé par une séparation amoureuse. Les paroles de cette chanson traduisent l'état de manque, de dépendance affective et d'obsession après la perte. Alors je vous propose donc tout de suite d'écouter cette chanson très émouvante, Slimane à Fleur de Toi. Les jours passent mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre, ivre de ce parfum si différent du tien. Pire, j'ai compté chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Ça fait bientôt un an qu'elle m'a sauvé de toi. Souvent je me demande où j'en serais pour toi. Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es, qui tu aimes. Sors de mes pensées. J'ai changé d'adresse, de numéro, merci. J'ai balancé tes lettres et tes défauts, même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force, je garde au plus profond de moi tout ce que tu m'as aimé. J'essaie de t'oublier avec une autre qui tente en vain de racheter tes fautes. J'essaie mais rien n'y fait. Je ne peux pas, je ne veux pas, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas comme toi. Même si elle n'a pas tes mots ni ton passé, c'est vrai. Mais elle n'a pas ton goût pour la fête, pour la nuit, pour les autres, pour tout ce que j'ai. Elle a séché toutes mes larmes, tu sais. Elle a ramassé tes peaux cassées. Des impayés, des impostures, des ratures, tout ce que tu m'as laissé. Elle m'aime comme une folle, elle me connaît par cœur. Elle me dit je t'aime parfois durant des heures. Mais elle ne sent pas ton odeur, pourquoi je te respire dans ses bras. Sors de mes penser. Voilà, magnifique chanson donc de Slimane, donc à fleur de toi. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Oui, vous écoutez bien Radio Fadjet, c'est l'instant présent, donc cette émission consacrée au développement personnel avec Dorothée Lacroix, sophrologue. Et ce mois-ci, nous abordons comme thématique effectivement la rupture amoureuse. Alors, l'occasion donc d'évoquer dans cette deuxième partie des outils pour gérer au mieux ces premières semaines difficiles après une rupture. Alors, que penses-tu, Dorothée, du principe de la lettre non envoyée, c'est-à-dire rédiger une lettre à son ex pour dire tout ce que l'on ressent afin de nous aider à libérer les émotions refoulées? Ah, ben moi, je suis favorable à cette lettre. C'est un outil très puissant. Écrire une lettre à son ex, alors sans l'envoyer, permet de déposer ce qui n'a pas été dit, par exemple de déposer des émotions, la colère, la tristesse, et puis aussi pourquoi pas de la gratitude pour cette relation passée. Cette lettre, bien sûr, n'est pas destinée à l'autre, c'est pas forcément un défouloir contre l'autre, mais c'est une lettre que l'on fait pour soi, et elle va complètement aider à libérer les émotions refoulées. Et puis pourquoi pas aussi, dans certains cas, je l'ai observé, à retrouver une forme de paix intérieure. Alors parmi les autres outils, Dorothée, je pense qu'il faut donc accorder une place importante à la méditation ou à des exercices de réparation. Alors peux-tu nous en dire un peu plus, Dorothée ? Oui, tout à fait. Si on peut s'autoriser des moments où l'on respire surtout, c'est très important dans le sens où quand on ressent une émotion qui est beaucoup trop forte, avec laquelle on ne sait plus composer, eh bien c'est important de s'accorder un moment, de s'arrêter, de faire ce qu'on est en train de faire et de respirer profondément. Ça permet d'adoucir l'émotion qu'on est en train de traverser. Donc c'est assez puissant, c'est-à-dire qu'en quelques instants, on peut se recentrer. On peut adoucir, ce qui à la fois aussi les ruminations, les pensées. Et la méditation de pleine conscience, ainsi que la sophro, permettent d'apaiser le mental, qui est souvent envahi par des pensées envahissantes, parasites dans ces moments-là. Et quant à la respiration, je reviens dessus, elle permet vraiment de calmer le système nerveux, de revenir à l'instant présent. Alors même si c'est pas magique, même si c'est que pour quelques minutes, eh bien ces quelques minutes que vous vous offrez par jour peuvent faire une grande différence, parce que effectivement on apprend à observer la douleur ou l'émotion difficile sans s'y identifier complètement, c'est-à-dire que ça offre une prise de recul. Alors, par rapport à cette respiration, on a évoqué souvent dans nos émissions donc la cohérence cardiaque. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quelques mots donc comment pratiquer cette cohérence cardiaque pour se sentir un peu mieux en paix intérieure grâce simplement à des exercices de respiration? Oui, alors la cohérence cardiaque, c'est une technique qui est très utilisée en gestion de stress. Elle consiste donc à respirer sur des temps identiques à l'inspiration et à l'expiration. Donc on prend une inspiration sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Le but étant d'inspirer avec le nez, d'envoyer l'air dans le ventre et ensuite de souffler par la bouche pour vider complètement l'air des poumons. Donc c'est une pratique qui se fait sur un temps défini, c'est-à-dire que pour avoir des effets observés, il faut la pratiquer pendant 5 minutes, au moins 3 fois par jour. Et les premiers effets sont constatés au bout de 3 semaines, 1 mois de pratique. Et pour s'aider à respecter le temps d'inspiration et d'expiration, je vous invite et j'invite les auditeurs à télécharger l'application RespireLax, qui est entièrement gratuite. Et en fait, c'est une bille qui va vous aider à respecter le temps d'inspiration et d'expiration, tout simplement la suivante. Petit conseil aussi, si vous voulez débuter, ne partez pas sur les 5 minutes dès le départ. Hein. Commencez par 2-3 minutes par jour et puis vous augmentez progressivement parce que sinon vous risquez d'hyperventiler et ça ne va pas être très agréable pour vous. Voilà. Voilà, merci pour cette précision, Dorothée. Alors, il existe d'autres outils à évoquer, des activités par exemple sportives, voire des soins personnels comme le massage, des bains relaxants, des routines de bien-être ou se reconnecter finalement à son corps qui va permettre de redonner confiance et sérénité, Dorothée. Ah oui, tout à fait. C'est souvent ce qui est préconisé aussi, hein, c'est de se remettre en mouvement parce que le mouvement, il est fondamental. Le sport va aider à libérer les tensions, à produire les hormones du bien-être. Et puis tout ce qui est soins personnels, si on aime bien ça, ben, faut pas s'en priver. Hein. Les massages, les bains chauds, les rituels bien-être vont permettre surtout de se reconnecter à son corps, qui est souvent négligé hein, après une rupture. Et le fait de prendre soin de son corps, c'est aussi finalement réparer le lien à soi. Et restaurer un peu la confiance en soi, mais aussi réparer ce lien où on exprime de la compassion aussi pour soi. Et alors, donc, dernière étape, Dorothée, pour gérer au mieux cette rupture amoureuse, c'est la nécessité de redéfinir son avenir. En effet, une rupture peut être vécue comme une fin, mais aussi comme un nouveau départ. Et c'est l'occasion de se demander qu'est-ce que je veux pour la suite, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je ne veux plus hein, dans une nouvelle relation. Alors, donc, Dorothée, est-ce qu'il est bien utile, je pense, lors de cette étape, de bien comprendre les raisons du précédent échec pour envisager un avenir sentimental plus serein? Oui, c'est effectivement quelque chose à ne pas négliger et ça peut être très important si on veut reconstruire quelque chose différemment. Alors bien sûr, je dirais c'est à condition aussi de le faire avec bienveillance hein, pour soi-même, hein, d'essayer de comprendre les schémas relationnels passés, d'essayer d'identifier ses besoins, ses propres limites aussi. Ça va permettre d'éviter de reproduire les mêmes situations. Et dans cet apprentissage, il ne s'agit pas de se culpabiliser, hein, mais de tirer des enseignements expérientiels de ce qu'on a vécu précédemment, puisque finalement, chaque relation nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Il faut le faire vraiment en respectant son rythme, parce que dans une séparation, il y a différentes phases. Hein, c'est comme un deuil, mais là, dans la séparation, on est dans un deuil émotionnel. Hein, donc on a la première phase qui est la phase un peu de choc, du déni. Ensuite vient la phase de la colère. Alors colère qui peut être dirigée contre l'ex-partenaire, contre soi, contre les proches, voire le monde entier. Et donc après cette phase de colère et de ressentiment vient la phase de marchandage. Donc le marchandage, c'est quoi? C'est un peu une négociation mentale incessante en se disant « si je change, les choses vont s'arranger ». Voilà. Et puis ensuite, on passe dans le deuil de la relation avec toute cette phase de tristesse pour ensuite dérouler sur une phase d'acceptation et de reconstruction. La reconstruction, c'est apprendre à vivre sans l'autre, retrouver confiance en soi et se donner à nouveau de l'importance. Donc c'est important de bien respecter ces phases. Elles sont différentes et elles durent, elles ont des durées aussi différentes en fonction de chaque personne. il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner, justement, par des sophrologues, des coachs en développement personnel vous guider dans cette démarche. Et puis aussi, et surtout, et j'allais le préciser, par des professionnels de santé. Parce que c'est vrai que pendant toute cette phase de tristesse et autres, on peut sentir que l'on n'est pas loin de la dépression. Et dans ce cas-là, il faut vraiment ne pas hésiter à aller consulter, demander un avis médical déjà du médecin traitant pour ensuite être orienté vers les personnes qui seraient donc vraiment amènes à aider la personne. Donc, si je résume bien tes propos, donc Dorothée, il faut tendre donc vers une formulation positive, transformer les pensées du type « j'ai tout perdu » en « j'ai appris et je me prépare à un nouveau chapitre ». Eh bien, justement, c'est le thème de cette deuxième pause musicale parce que après la phase de tristesse, il est essentiel d'avoir des chansons qui vous redonnent de l'élan, de la confiance et l'envie d'aller de l'avant. Eh bien, Dorothée, je te propose, grâce à cette belle chanson de Vianney, « Nos lendemains », eh bien, de retrouver cette idée de se relever, de fleurir malgré les difficultés en se tournant vers nos lendemains comme une source d'espoir et de renouveau. Voici donc tout de suite Vianney, « Nos lendemains ». Silence, offense, y a des torrents dans les rues de nos enfances, mais ça ne se voit pas. Tarder, puis parler, casser les murs des prisons qu'on se fait, s'évader vers soi. Improviser, savoir tenir, est-on jamais préparé au pire? Le jour d'après, fleurir. Je m'en remets à nos lendemains, on renaît dans nos lendemains. Tu vois, quand vient la peine, le temps l'éteint. Je m'en remets à nos lendemains. Voilà, c'était donc Vianney, nous, lendemain. Fadjet, une radio associative, locale, solidaire et citoyenne. Alors, dernière partie de l'instant présent donc consacrée à la rupture amoureuse, eh bien, on peut se faire aider grâce à des phrases motivantes qui peuvent effectivement nous aider à passer cette épreuve de la rupture amoureuse. Alors, est-ce que, Dorothée, tu as une phrase motivante à nous proposer ? Alors, j'irai même un peu plus loin que les phrases motivantes. Je parlerai de reformulation de pensée. C'est-à-dire que si on commence à les observer, parfois on sent que c'est négatif, peut-être qu'on va se dire « je ne vais jamais me sortir de cette période difficile ». C'est souvent ce qu'on a tendance à penser quand on va mal, puisque la tension est rétrécie autour de ça. Et en fait, le fait de la reformuler, on pourrait très bien la reformuler en disant « je traverse une étape difficile ». Mais je grandis à travers elle, ou j'apprends des choses, ou bien encore, cette fin me prépare une relation plus juste pour moi. Voilà, c'est vraiment, ça permet de réorienter le regard, et effectivement, si on fait cet exercice régulièrement, eh bien, ça va transformer notre discours intérieur. Et ben moi, j'ai trouvé effectivement une phrase motivante qui peut faire du bien, c'est ton cœur cicatrise et il bat déjà pour demain, justement, pour garder l'espoir. Ouais, c'est très joli, très poétique. Ouais. Voilà. Et puis, il y a également de nombreux ouvrages donc, de référence sur ce thème de la rupture amoureuse. Oui, alors, sur la lecture, peut être une vraie alliée dans ces moments-là, pour ceux qui aiment lire. Les livres qui mêlent récits et développement personnel permettent de se sentir moins seul, de s'identifier et parfois de trouver aussi des outils simples à mettre en place au quotidien. Donc, il ne faut pas s'en priver. Ils offrent du réconfort, mais aussi de l'inspiration pour se reconstruire. Ce sont un peu ce que j'appelle, moi, des remèdes en mots. Et bien moi, donc, Dorothée, personnellement, je vous conseille de lire un très bel ouvrage qui s'appelle, et d'abord j'adore le titre, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous » de Rita Bradraoui. C'est le récit qui suit Nina, qui est une femme de 33 ans, en pleine rupture amoureuse, qui peine à surmonter la fin de sa relation et ses rêves de famille, et gagnant un séjour à l'auberge de vie, prévu comme un simple moment de repos, elle y fait des rencontres déterminantes qui bouleversent sa perception de la vie. Et le roman inclut des outils de développement personnel, justement autour du journal de la gratitude, de la méditation qu'on a évoqué tout à l'heure, pour guider la reconstruction personnelle de Nina, tout en laissant la porte ouverte au lecteur pour approfondir ses pratiques. Et cet ouvrage nous dit effectivement que s'il y a rupture, c'est que finalement, cette personne n'était pas faite pour nous et qu'il n'y a pas de hasard. On aura de nouveau rendez-vous dans la vie. Donc, c'est très, très joli et ça peut vous aider à surmonter ces ruptures amoureuses. C'est un très bel ouvrage. Il faudrait que je me le procure. Voilà. Ben voilà, Dorothée, l'émission se termine. Le temps passe très, très vite. Donc, traverser une rupture n'est jamais facile. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape, parfois douloureuse, mais toujours porteuse d'enseignements. Prenez soin de vous, avancez à votre rythme. Et souvenez-vous que chaque fin ouvre la porte à un nouveau commencement, Dorothée. Eh bien, Dorothée, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de l'instant présent. Bien sûr, avec plaisir, comme d'habitude. Et puis d'ici là, n'oubliez pas donc de prendre soin de vous et puis de rester fidèle à Radio Fadjet.